sama yo. T'oublier, je dois avancer. Aujourd'hui tu perds tes erreurs, mais je reste accroché à ton cœur. J'ai compris tes peurs, ta rancœur. Je ressens enfin ta douleur. Toi qui m'as tout pardonné, tout donné, je t'ai tout pris et je t'ai rien laissé. Les limites j'ai dépassé, oui j'ai fauté. Par amour, toi t'as fermé les yeux. Mais je dois tourner la page, tourner la page, tourner la page du livre. Mais je dois tourner la page, tourner la page. Sans toi je dois apprendre à vivre. Mais je dois tourner la page, tourner la page, tourner la page du livre. Mais je dois tourner la page, tourner la page. Sans toi je dois apprendre à vivre. T'oublier, juste t'oublier, je dois avancer. Tout oublier, parce que je dois t'oublier, tout oublier et apprendre à avancer. Tourner la page du livre, tourner